السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد Le point que j'aurais voulu aborder avec vous ce soir, c'est un point très important. Et pour ce faire, on va lire un certain nombre de paroles, tantôt attribuées au prophète, alayhi salatu wassalam, tantôt à ses compagnons, et tantôt aux pieux prédécesseurs qui y sont venus après eux, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et ces quelques paroles-là, je les ai sélectionnées à partir du livre « Lam ad-dur al-manthur » « Min al-qawl al-ma'thur » « Fil i'tiqadi wa sunna » qui a été compilé par le cheikh Abu Furayhan, Jamal ibn Furayhan al-Harithi, que Allah le préserve. Compilation qui a été relue par le Cheikh Saleh al-Fawzan et préfacée par le Cheikh Saleh al-Sheikh, qu'Allah les préserve. On y trouve un certain nombre de chapitres. Et le 36e chapitre, il est intitulé « Hukm al-Salaf » Le fait que les pieux prédécesseurs jugeaient les gens selon leur fréquentation. Et donc le Shir, il a réuni un certain nombre de textes, et je ne vais pas tous les lire, je vais en lire une bonne partie. Parmi ces textes-là, il y a ce qui a été rapporté entre autres par l'imam Ahmed, ainsi que par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et ça a été mentionné par le Cheikh Al-Albani dans son livre Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. C'est un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « L'individu est sur la religion de son bien-aimé. Regardez donc qui vous prenez comme bien-aimé. » Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que Al-Bukhari et Muslim ont recueilli de ces hadiths, les âmes sont-elles désarmées? Ce qui se ressemble s'assemble. Et ceux qui se réprouvent mutuellement se séparent. Et on peut trouver dans Al-Mu'jam Al-Kabir ainsi que dans Al-Ibana une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui disait « Considérez les gens selon leur bien-aimé. Le musulman, il suit le musulman et le dépravé suit le dépravé. » Et il a également dit, dans ce que l'on peut retrouver dans Al-Ibana, donc d'Ibn Battah, et également dans Shu'ab al-Iman d'Al-Bayhaqi, que l'homme ne côtoie et ne fréquente que celui qu'il aime et celui qui est comme lui. Et il a également dit, dans ce que l'on peut également retrouver dans Al-Ibana d'Ibn Battah, considérez les gens selon leur bien-aimé, car l'homme ne prend comme bien-aimé que celui dont il est satisfait. Également, parmi ce qui a été rapporté, de Abu Darda, qui compte également parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on peut le retrouver dans le livre Az-Zuhd d'Ibn al-Mubarak et dans d'autres livres de référence, le fait que Abu Darda ait dit, il fait partie de l'intelligence de l'individu, le fait qu'il choisisse avec qui il marche, auprès de qui il s'introduit et avec qui il s'assoit. jusqu'à la fin donc des propos de Abu Darda radiyallahu an. Également parmi ce qui a été rapporté de nos pieux prédécesseurs, comme on peut le retrouver dans l'Iban, d'Ibn Battah, la parole de Abu Hatim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit que lorsque Moussa ibn Uqba, donc sous réserve de la validité de cette manière de prononcer son nom, est arrivé à Bagdad, il a été mentionné à Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal a dit: regardez chez qui il va et auprès de qui il se réfugie. Donc dans le sens, regardez chez qui il va et auprès de qui il se réfugie pour savoir qui il est. Et on peut également retrouver dans l'Iban que Qatada, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: par Allah, nous nous sommes rendus compte que l'homme ne côtoie parmi les gens que celui qui est identique à lui, qui lui est similaire. Côtoyez donc les pieux parmi les serviteurs d'Allah, afin que vous soyez peut-être parmi eux ou comme eux. Et il a été rapporté toujours dans l'Iban que Shu'ba, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: j'ai retrouvé écrit chez moi que l'homme ne tient compagnie qu'à celui qu'il aime. Et on peut toujours retrouver dans l'Iban ainsi que dans Sharh Usul Sunnah d'Al-Lalaka'i que Al-Awza'i a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui nous cachera son innovation ne nous cachera pas sa fréquentation. Celui qui nous cachera son innovation ne nous cachera pas sa fréquentation. Quant à Al-A'mash, il a dit, toujours donc, comme on peut le retrouver entre autres dans Al-Iban, en parlant de la méthodologie de ceux qui l'ont précédé parmi les pieux prédécesseurs dans leur manière de juger les gens. Il disait qu'Allah lui fasse miséricorde, il ne questionnait pas à propos d'un individu après avoir connu de lui trois choses: avec qui il marche, auprès de qui il s'introduit et avec qui il a des affinités parmi les gens. Retiens bien ça, barakallahu fik. Al-A'mash, il nous dit que les pieux prédécesseurs ne questionnaient pas à propos d'un homme après avoir connu de lui trois choses: avec qui il marche, auprès de qui il s'introduit et avec qui il a des affinités parmi les gens. Et également, dans ce que l'on peut retrouver parmi ces paroles éblouissantes de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah le fasse miséricorde, ce que Hisham ibn Hassan al-Azdi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit et a relaté concernant Ayyub al-Sirtiyani. Il a dit: Ayyub al-Sirtiyani a été appelé afin de laver un mort. Et il s'est donc présenté, accompagné de certaines personnes, et lorsque il a vu le visage du mort, il s'est rendu compte qu'il le connaissait. Et il a dit à ceux qui étaient autour de lui: venez auprès de votre compagnon, car quant à moi, je ne vais pas le laver, car j'ai vu qu'il marchait avec des partisans de l'innovation. Donc remarque ici, sur quoi il s'est basé donc pour le juger. Il a également été rapporté de Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghallabi. Donc là aussi, je vous invite à vérifier la prononciation de son nom, de son affiliation, al-Ghallabi, est-ce que c'est bien comme ça qu'on le prononce? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit, comme cela a été rapporté dans l'Iban, toujours, que les partisans des passions trompeuses peuvent cacher toute chose sauf les affinités et les fréquentations qu'ils ont. Il a également été rapporté de Mu'adh ibn Mu'adh qu'il a dit à Yahya ibn Sa'id, qu'Allah leur fasse miséricorde, ô Abu Sa'id, l'individu, même s'il cache l'opinion qu'il peut avoir ou les opinions qu'il peut avoir, cela ne sera pas caché sur son fils ou sur son ami ou sur ses fréquentations. Il a également été rapporté de Amr ibn Qais, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit, lorsque tu vois un jeune qui, dès le début, évolue en compagnie des adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité, alors aie bon espoir en lui, le concernant. Par contre, si tu le vois en compagnie des partisans de l'innovation, alors tu peux te permettre de désespérer le concernant, car le jeune, en vérité, va rester sur la première chose sur laquelle il a commencé à cheminer. Et il a également dit une parole qui va dans ce sens et qui a été rapportée ici par, ou mentionnée ici par l'auteur, lorsqu'il a dit, le jeune, il évolue, et si jamais il a le privilège de côtoyer des gens de science, alors il est à espérer qu'il en sorte sain et sauf. Mais si jamais il penche vers autre que, alors il est à craindre qu'il périsse. Également, il a été rapporté, toujours donc dans Al-Ibana, hein, de Ibn Battah, Al-Ibana Al-Kubra. Vous savez qu'Ibn Battah, il a écrit Al-Ibana, il y a Al-Ibana Al-Kubra qui tient plusieurs volumes, et il y a Al-Ibana Al-Sughra, qui a également pour titre Al-Sharhu Al-Ibana. Dans Al-Ibana Al-Kubra, il a rapporté que Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Et écoute bien cette histoire relatée par Yahya ibn Sa'id. Il a dit, lorsque Soufiane al-Thawri s'est présenté à Bassora, il a commencé à étudier le cas de Rabi' ibn Sabih et de la valeur qu'il avait aux yeux des gens. Il a donc questionné à propos de la voie qu'il suivait. Et ceux qui l'ont questionné, ils ont dit, sa voix n'est autre que la sunna. Puis, Soufiane al-Thawri a continué en disant, et quel est donc son entourage? Ils lui en ont répondu, ce sont les qadariyas. Et Soufiane al-Thawri a tout simplement dit, c'est donc un qadari. C'est donc un qadari. C'est-à-dire, un partisan de la secte d'Al-Qadariya, qui ont nié le décret d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. En commentaire de cette parole, ou de ce récit, relaté par Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dans lequel on retrouve cette réaction de Sufyan al-Thawri, Ibn Battah a dit qu'Allah fasse miséricorde à Soufiane al-Thawri. Car il s'est prononcé en conformité avec la sagesse, et il a donc été véridique. Et il s'est prononcé avec science, et il a donc été en conformité avec le livre et la sunna. Jusqu'à la fin du commentaire d'Ibn Battah, rahmatullahi alayhi. Également, parmi ce qui a été rapporté de nos pieux prédécesseurs, des ulama et imams de cette communauté, ce que l'on peut retrouver dans le livre Tabaqat al-Hanabila. Et c'est là une parole très importante, barakallahu fikum, il faut bien être attentif. C'est une question qui a été posée par Abu Daoud al-Sijistani. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Abu Daoud a dit, comme cela donc est mentionné dans Tabaqat al-Hanabila, il a dit, j'ai dit à Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, il faut savoir que Ahmed ibn Hanbal, c'est le cheikh, l'enseignant, le professeur de Abu Daoud al-Sijistani. Abu Daoud donc a dit à son enseignant, à son cheikh, Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, il a dit, si je vois un homme parmi les adeptes de la sunna, en compagnie d'un homme parmi les partisans de l'innovation, Est-ce que je cesse de lui parler ? L'imam Ahmed lui a répondu non. Plutôt, informe-le que l'homme avec qui tu l'as vu est un partisan de l'innovation. Si jamais il le délaisse, alors continue à lui parler. Mais si ce n'est pas le cas, alors considère-le comme lui. Ibn Mas'ud a dit, l'individu est à considérer comme ses fréquentations. Donc remarque bien ici cet enseignement que nous apporte l'imam Ahmed rahimahullah. Lorsqu'il a répondu à Abu Daoud en lui disant non, informe-le plutôt que l'homme en compagnie de qui tu l'as vu est un partisan de l'innovation. C'est là une étape à faire. Car tu ne sais pas, peut-être que il n'est pas au courant. Peut-être qu'il était en train de lui parler pour le blâmer. Donc informe-le. Si jamais tu vois qu'il continue à lui parler, ou plutôt qu'il cesse de lui parler, alors continue-toi à le côtoyer, sinon considère-le comme lui. Puis il a cité la parole d'Ibn Mas'ud, comme vous l'avez entendu. Ibn Taymiyyah, comme on peut le retrouver dans Majmou' al-Fatawa, a dit, celui qui a une bonne opinion des partisans de l'innovation et qui prétend ne pas connaître leur état, il convient de lui faire prendre connaissance de leur état et de leur situation. Et si par la suite il ne se sépare pas d'eux et qu'il n'apparaît pas qu'il les blâme et les condamne, alors à ce moment-là il doit être considéré comme eux et il doit être mis parmi eux. Et parmi ceux qui étaient rapportés, donc suite à cette parole de Ibn Taymiyyah, parole que l'on peut retrouver dans l'Ibana, cette parole d'Ibn Aoun, rahimahullah, qui a dit, celui qui côtoie les partisans de l'innovation est encore plus pire pour nous que celui qui fait partie des partisans de l'innovation. Celui qui côtoie les partisans de l'innovation. Il est plus grave et plus dangereux pour nous que les partisans de l'innovation. Et également de ce qui a été rapporté de Hamad ibn Zayd. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le fait qu'il ait rapporté que Younous, un de ses contemporains, lui a dit « Oh Hamad, il arrive que je vois des jeunes qui soient dans des états déplorables, sans que pour autant je ne désespère de leur bien. Et ce, jusqu'à ce que je les vois en compagnie de partisans de l'innovation. Car à ce moment-là, je sais qu'ils sont dans la perdition. » Il a été rapporté de Shirazi, comme on peut le retrouver dans Al-Adab al-Shar'iyya, Ibn Mufrih. Shirazi qui faisait partie des compagnons de l'imam Ahmed rahimahullah. Il a été rapporté qu'il a dit à l'imam Ahmed, ou que plutôt l'imam Ahmed ibn Hanbal lui a dit, lorsque tu vois un jeune qui commence à cheminer en compagnie des adeptes de la sunna et du groupe unis sur la vérité, alors aie bon espoir. Mais si tu le vois en compagnie des partisans de l'innovation, alors désespère de lui. Car en vérité, le jeune va cheminer sur la voie sur laquelle il a commencé à évoluer. Et il a été rapporté également de Abdullah ibn Shalvab al-Khurasani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit, comme cela est rapporté dans Al-Ibana, Al-Kubra, ainsi que dans Al-Sughra, ça a également été rapporté par Al-Lalakai, et ça a été mentionné par Ibn al-Jawzi dans Talbis Iblis et par d'autres ulama, le fait que parmi les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou dont Allah tabaraka wa ta'ala fait part aux jeunes ou aux non-arabes lorsqu'ils commencent à s'investir dans la religion, c'est qu'il lui soit accordé de tenir compagnie à un adepte de la sunna, afin qu'il puisse l'y orienter. Et également, on peut retrouver des propos similaires qui ont été rapportés de Ayyub Sirtiani, comme on le retrouve entre autres dans Sharh Usul Sunnah de Al-Lalaka'i. Lorsque Ayyub a dit, il fait partie du bonheur, du jeune et du non-arabe, qu'il lui soit accordé par Allah tabaraka wa ta'ala de côtoyer un savant parmi les adeptes de la sunna. Donc ici c'est un ensemble de textes prophétiques et également rapportés de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, qui nous montre ici que les pieux prédécesseurs, ils avaient donc cette manière-là de juger les gens en regardant leur fréquentation. Et c'est là quelque chose de très important. Et ce point-là, beaucoup de gens à notre époque cherchent à le rayer de la carte. Et ils cherchent à combattre cette chose-là. Tu en trouves par exemple qui disent, oui d'accord, l'individu est à classer parmi les adeptes de l'innovation s'il fréquente les adeptes de l'innovation et qu'il est en accord avec eux. Mais si on donne cette interprétation-là, alors en vérité tout cela n'a plus de sens. Car s'il est en accord avec les partisans de l'innovation, c'est que à la base, il est parmi eux, on n'a pas à avoir recours à cette manière de juger de nos pieux prédécesseurs. Na'am. Et parmi les réponses qui sont claires et qui peuvent être données à ce genre de discours erroné, la manière d'agir de Soufiane Thaouri, comme vous l'avez entendu, Soufiane Thaouri, quand il a étudié le cas de Al-Rabi' ibn Sabih, na'am, il a posé la question, quelle est la voie qu'il suit? Et il a répondu quoi? Ils ont répondu quoi? La voie qu'il suit n'est autre que la sunna. Donc, aucune conformité avec la voie des Qadariyya n'était apparue de Rabi'a. Et le simple fait que Soufiane Thaouri ait appris Rabi' ibn Sabih avait comme entourage al-Qadariyya a suffi pour qu'il dise que c'est un Qadari. Donc il n'a pas attendu de savoir est-ce qu'il est en conformité avec eux. Mais le simple fait donc qu'il les fréquentait et que son entourage était composé de Qadariyya a suffi. Et c'est là quelque chose d'important. Combien de gens se sont fourvoyés, combien de gens se sont égarés, combien de gens se sont retrouvés parmi les partisans de l'innovation à cause du fait qu'ils ont négligé, ils ont négligé ce point-là. Voir quand on attirait leur attention vers le fait que, attention, un tel, il fréquente les partisans de l'innovation. Sois sur tes gardes. Parfois, certains considèrent que c'est là de l'exagération. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'en vérité, ce jugement est un jugement qui ne trompe pas. Et que ce dont nous avons hérité de nos pieux prédécesseurs nous permet de bien pouvoir appréhender le monde qui nous entoure. Et tu peux ainsi savoir qui est qui. Non, il y a cette précaution à prendre, comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, et comme cela a été repris par la suite par Ibn Taymiyyah rahimahullah. Celui que tu vois en compagnie d'un ou de plusieurs partisans de l'innovation, informe-le dans un premier temps qu'un tel est un tel, qu'un tel est qadari, un tel est khariji, un tel est takfiri, un tel est ikhwani, un tel est tabliri, un tel est soufi, et ainsi de suite. Mais garde toujours à l'esprit que, comme on l'a vu, l'individu, il est sur la religion de son bien-aimé. Et qu'à partir de là, si la personne continue à côtoyer, à fréquenter ce genre de personnes-là, et qu'elle fait fi de tout ce que tu as pu lui dire, et qu'elle n'y prête pas attention, alors considère cette personne considérée-là, comme eux, Wallahu al-Musta'an, et c'est là un point auquel il faut être très attentif, na'am, afin de ne pas se faire avoir par ces gens-là, car comme l'a dit Ibn Aoun, celui qui fréquente et côtoie les adeptes ou les partisans de l'innovation, il est encore plus dangereux pour nous que le partisan de l'innovation lui-même. Wallahu al-musta'an, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.